MMS, LDO, 2015, 2018. Shenzhen au micro sans frais de drip, fils. Illuminati shit nique le trip, 6. 6-7 m'a fait noir comme des blagues d'ici. Des locks à la calvi, si ça se voit qu'on n'est pas d'ici. Je pense que mon mec en face, il change en souligne. Comme Bouline débarque dans le rap comme Vlad Poutine. Incomparable à tous ces négros, soit KFC. 6-7 comme le Real, eux comme ASC. J'ai fracté négro, je me sens comme un tocard. Je suis F1 toi go-kart, trop marquable comme un cocard. Quotidiennement sur la prod, flingue comme fusil d'assaut. Faya avec Aki dans la cuisine, usine la sauce. Je parais trop avant, se cache que dans Bentley. Si c'est phénomène rare comme journée sans chemtrails. J'ai flow vision, LBO comme commission. Trois latérales, pas snitch, amnésique à chaque audition. Pas à mes pieds, c'est quoi sur l'B. Pas dans le jeu à 20 000 sons, plus sur l'B. Zombie armé, SO à mes colonels. Une écoute, c'est prendre des textes en système des polonais. Villa aux Almadines, micro villa au village. Villa à Sali, villa en ville, villa au virage. Villa aux Almadines, micro villa au village. Chaque jour tu consommes, tu challenges le cash, je veux plus aller virgule sur mon sol. Sagman Inch'Allah, bientôt les blackouts. Coffret dans la trappe, house comme Bruce Wayne dans la Batcave. Yes, sous Tsunso, j'attaque quand tu lac nécro. Toujours au-dessus et qu'est goût d'huile sur lac nécro. Shenzhen, France car comme ODB. Fume un truc comme OCB, ça va pas faire de CD. Encore rien dans le cockpit. Verstappen, j'arrive à Maxis. Bloc headshot, tu fais un backflip. On s'organise même la backflip. Si tu crois pas bâtard, t'as rien compris comme un backflip. Aux Almadines, les gros villas au village. Villa à Sali, villa en ville, villa au virage. Je veux villa aux Almadines, les gros villas au village. Villa à Sali, villa en ville, villa au virage. Squat. Squat, squat, squat, squat. MMS, LDO, NRM. Salut. Allez.